Vous êtes à l'antenne de CKRL au 89,1 et Futur Simple se poursuit avec notre chroniqueuse Morgane Lemasson qui nous propose un voyage à travers l'histoire des sciences. Bonjour Morgane. Bonjour. Alors oui, comme vous le savez, ici à Futur Simple, je présente principalement des chroniques qui traitent de la santé. C'est souvent des chroniques assez lourdes parce que ça parle de maladies, ça touche beaucoup de gens. Donc aujourd'hui, un sujet un peu plus léger aujourd'hui. J'ai essayé de vous faire un cadeau de Noël et donc vous raconter des histoires. Et pour nous raconter ces histoires, j'ai invité André Parent. Bonjour André Parent. Bonjour. Vous êtes un éminent chercheur en neurosciences et professeur au département de psychiatrie et de neurosciences à la faculté de médecine Université Laval. Vous enseignez notamment l'histoire du cerveau. Exactement. Et vous avez réalisé un livre qui a été publié en 2009 qui s'intitule « Histoire du cerveau de l'Antiquité aux neurosciences ». Lorsque j'ai lu votre livre, j'ai été vraiment étonnée de voir que les premières opérations chirurgicales, ce qu'on appelle les trépanations, qui sont en fait le fait de faire des trous dans la boîte crânienne pour aller toucher le cerveau. Exactement. En fait, elles dataient de la préhistoire. Je pense qu'il y a eu des cerveaux qu'on a découverts avec des signes de trépanation datant de 12 000 ans. Oui, effectivement, et même plus loin dans le temps, en fait, jusqu'à 30 000 ans, en fait, on a retrouvé des crânes fossiles où il y avait des traces carrément de trépanation. Donc, c'est-à-dire des craniotomies, les individus à l'époque avaient carrément fait des trous dans le crâne. Donc c'était fait sur le vivant et pourquoi? Parce qu'ils ne connaissaient rien au sujet du cerveau à l'époque. Non, effectivement, on connaissait très peu de choses. On ne sait pas les raisons évidemment qui motivaient les gens à faire ce type d'intervention à l'époque. C'était pas rien parce qu'il faut s'imaginer évidemment les instruments très primitifs qu'on avait à l'époque. Là, ça devait être quelque chose de faire des trous dans le crâne. On n'anesthésiait pas les gens non plus. Non plus. Ça se faisait directement comme ça, la froid. On n'a pas d'idée, mais comme ça s'est prolongé, ce genre de pratique-là, jusqu'au début du 19e siècle, dans certaines tribus éloignées en Afrique, on a pu interviewer ces gens-là et on pense que à l'époque, les gens faisaient ça parce qu'on croyait que les gens qui souffraient de déficience mentale, de différentes pathologies comme déficience mentale ou d'épilepsie, par exemple, des maux de tête persistants. Ils croyaient que ces gens-là étaient possédés par le démon, essentiellement. Ah, d'accord. Donc, c'était un moyen de faire libérer le corps de cette possession-là. Voilà. Ils pensaient qu'en faisant un trou dans le crâne, on pouvait faire libérer, sortir les esprits malins du cerveau. Puis, jusqu'à l'Antiquité, en fait, le cerveau n'avait pas l'importance qu'il a aujourd'hui. Du coup, quel organe, quel système était à l'origine de la conscience, de l'intelligence? Et puis, qu'est-ce qu'on disait du cerveau à l'époque de l'Antiquité? Oui, ben, à l'Antiquité, disons, il y a eu une longue valse, hésitation, comme on pourrait dire, en fait, entre le cœur et le cerveau. Okay. Les populations les plus anciennes en Mésopotamie, par exemple, et en Grèce, et, même chez les Égyptiens, on croyait que le cœur était le centre de tout. Oui. En fait, le centre de la conscience et même les émotions, bien sûr. Encore aujourd'hui, hein, on a des relents de ça. Oui. On dit apprendre par cœur, par exemple, d'accord? Hein? Ce sont des choses qui viennent d'aussi loin que ça. Donc, il y a eu une valse hésitation pendant très longtemps. La meilleure preuve de ça, c'est les Égyptiens qui, lorsqu'ils momifiaient, par exemple, les cadavres à l'époque, on portait très, très peu d'attention au cerveau. On l'extirpait par les narines. Oui, c'est ça. En fait, ils momifiaient le corps avec le cœur, mais ils enlevaient le cerveau via les narines. Oui, pour eux, le cerveau n'avait aucune espèce d'importance. Ça, c'était très clair. Et à partir de quand, du coup, le cerveau a pris une place beaucoup plus importante? On pourrait dire que c'est probablement autour du... la venue d'Hippocrate, à peu près au 5e siècle chez les Grecs, effectivement. Hippocrate a changé complètement la façon de voir la médecine et a mis le cerveau à l'avant comme organe de connaissance, en fait, comme organe de sensibilité. Donc là, c'était vraiment lié à l'intelligence et à la conscience. Voilà, la conscience, l'intelligence. Et pour Hippocrate, ça a été un changement considérable. Pour lui, la médecine, contrairement à ce que c'était avant, c'était plus une question de mythologie ou de religion, mais c'était vraiment une question des lois de la nature, en fait. Les maladies étaient des des déficiences au niveau de la nature, tout simplement. Et on devait essayer de corriger les maladies en tenant compte des lois de la nature et non pas de la mythologie ou de Parce que pendant longtemps, cette mythologie et la religion a eu beaucoup d'importance, voire est-ce que ça a freiné l'évolution de nos connaissances sur le cerveau? Ça a freiné jusqu'à un certain point, on peut le dire, ça a freiné. On accuse souvent, par contre, la religion chrétienne d'avoir été un frein. Mais ça, évidemment, il faut nuancer cette chose-là. Ça a pas, c'est pas tout à fait exact, évidemment. Ça a freiné un peu, mais la religion chrétienne ne s'est jamais vraiment opposée à ce genre de choses-là. Ce qui est arrivé au cours de l'Antiquité avec Galien, au début de notre ère, en fait, c'est qu'il s'est élaboré une théorie des humeurs. Hein, vous savez, cette fameuse la bile noire, la trabile, le sang et tout ça. On a conçu cette théorie qui disait que l'équilibre, la santé était due à l'équilibre de ces quatre humeurs fondamentales. Donc, c'est une théorie. L'air, la terre, s'il n'y a pas. Oui, voilà. C'était lié à des éléments comme les quatre éléments fondamentaux. Voilà, de la nature. De la nature, effectivement. Et cette théorie a prévalu pendant au-delà de 1500 ans, à peu près. Donc, on n'a pas senti le besoin carrément d'aller voir comment le cerveau était fait ou comment l'anatomie humaine était faite parce que tout était d'équilibre des humeurs. Tout ce qu'il fallait faire, c'est restaurer l'équilibre, faire des saignées, par exemple. Oui, c'est ça. Et les saignées ont été pratiquées. Et en fait, c'est au Moyen-Âge et à la Renaissance qu'on a commencé à aller voir l'anatomie grâce aux autopsies qui étaient réalisées sur des cadavres de criminels. Et en fait, dans votre livre, vous disiez que c'était pris pour un châtiment final. On allait punir le criminel jusqu'à la fin. Et ce qui est rigolo, c'est de voir qu'à l'époque, il y avait une attraction pour ce genre d'autopsie-là, parce que c'était des cours. Mais en fait, à un moment donné, il y avait un parterre de public qui venait voir ça. Absolument. C'était remarquable parce que les premiers théâtres, avant les théâtres, les théâtres où on jouait des pièces de théâtre, c'était les théâtres d'anatomie. On appelait ça le théâtre d'anatomie. Donc, on chargeait aux gens, on avait des tickets, on chargeait de l'argent pour que les... Comme les foires, en fait, les foires anatomiques. Tout à fait. Souvent, il y avait des personnalités célèbres. La première fois qu'on a pu réellement voir à quoi ressemblait le cerveau. Qu'est-ce que ça a apporté aux connaissances Ça a apporté beaucoup. Évidemment, c'était la première fois que ça a révolutionné littéralement avec la fin du Moyen-Âge, je dirais, puis la Renaissance. Là, effectivement, ça a révolutionné. Pour la première fois, on se penchait sur l'organe lui-même. En fait, on regardait comment c'était fait pour la première fois. Les coquilles ont été faites. Oui, les coquilles ont été faites. Et là, à la Renaissance, il y a un événement absolument considérable, remarquable qui s'est opéré. C'est cette symbiose entre les artistes et les anatomistes. L'art et la science. Les artistes comme Léonard de Vinci, par exemple, se sont mis à faire des dissections humaines pour comprendre l'anatomie, pour pouvoir mieux l'illustrer dans leur peinture. Et les scientifiques ont senti le besoin d'avoir des illustrations adéquates pour faire comprendre aux gens l'anatomie, ce qui n'est pas une chose simple. Est-ce qu'il y a eu d'autres artistes comme ça que Léonard de Vinci qui ont participé? Plusieurs. Il y a eu Léonard de Vinci, bien sûr, qui est la figure emblématique, mais il y a eu beaucoup d'autres sculpteurs de la Renaissance aussi qui ont étudié l'anatomie, qui ont fait des dissections. Il faut s'imaginer que ces gens-là, à l'époque, c'était quelque chose de faire des dissections parce que ça se faisait la nuit la plupart du temps. Les gens n'avaient pas des gants. Au niveau de l'hygiène, ça devait être désastreux. Au niveau de l'hygiène, il n'y avait pas des gants en plastique qu'on a aujourd'hui. Mmh. Et les cadavres, il n'y avait pas moyen de les préserver. Il fallait avoir une vocation vraiment extraordinaire pour réussir. Et après, donc au XVIIIe siècle, il y a eu beaucoup de théories qui ont été faites sur le cerveau. L'une des plus connues, c'est la théorie de Galvani, qui pensait que le cerveau était orchestré, donc gouverné uniquement par l'électricité. Voilà. Mais en parallèle aussi, il y a eu le début de la psychiatrie. Oui, voilà. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le contexte pour la psychiatrie? genre de traitement, moi je dois vous dire que c'est ma période préférée, mais elle est assez, c'est plus une histoire d'horreur qu'autre chose. Effectivement, il faut dire que les patients qui souffraient de maladies mentales ont toujours été considérés à part. Hein. Il faut dire que depuis l'Antiquité, le Moyen Âge et tout, ces patients-là n'étaient pas soignés par des médecins. Ils étaient confiés à souvent des religieux. C'est là qu'on a vu apparaître les hospices. Oui, voilà, c'est le début de l'institutionnalisation qui a augmenté jusqu'au 19e siècle, Voilà. Mais il n'y avait pas uniquement les patients qui étaient enfermés là-dedans. Il y avait les mendiants, les prostituées. Oui, les mendiants. On internait à peu près tout ce qui nuisait à la société à l'époque. Ouais. Hein. C'était une façon, l'hôpital général ou la Salpêtrière à Paris, ouais, entre autres. Là, c'était vraiment l'endroit où les gens pouvaient être internés simplement sous la forme d'une lettre de cachet. Oui, tout le monde pouvait interner, tout le monde, enfin, la population. Et au niveau des thérapies, en fait, tout ce qui était fait, c'était pour léser le cerveau. C'est ça? C'est ça. Au début, c'était beaucoup ça. C'était d'abord des thérapies de choc, essentiellement. Ouais. On essayait, l'idée, c'était de soumettre l'individu à un choc très violent en pensant que ceci pouvait rétablir l'équilibre d'une façon ou d'une autre. Donc, c'est là qu'on a vu apparaître plus récemment les techniques d'électrochoc, par exemple, et des techniques de ce genre. La lobotomie, l'électrochoc, et puis il y avait aussi l'injection d'insuline et de méthasone. Voilà. Et en fait, toutes ces techniques-là avaient pour visée de calmer les personnes, c'est ça? L'idée, c'était de calmer les patients puis d'assurer la sécurité. En détruisant le cerveau. Le cerveau, c'est ce qu'on appelle la psychoneurochirurgie. En fait, on faisait des lésions carrément avec les lobotomies qu'on a vues jusqu'aux années 50, dans les années 50, se faire... sur des centaines de milliers de personnes ont été lobotomisées là, parce que si on enlève une partie de le lobe frontal, qui est une des caractéristiques du cerveau humain, ça change complètement la personnalité de l'individu. Les individus deviennent disons qu'ils perdent leur personnalité et puis ils deviennent beaucoup plus tolérants à tout ce qui se passe autour d'eux, beaucoup moins perturbateurs là, pour les gens, le personnel soignant. Un peu dans un état végétatif aussi, non? Oui, effectivement. Puis ils ont trouvé des techniques de plus en plus rapides. La lobotomie, c'était comme un pic à glace qu'on enfonce la paupière. Et donc après, à la fin du 19e siècle, il y a un grand boom dans les connaissances au niveau anatomique et psychologique. À quoi est due cette accumulation de connaissances et quelle valeur ça a maintenant pour nous, à nos jours? Est-ce que c'était le début des grands principes que l'on connaît aujourd'hui? Oui, le 19e siècle, je pense qu'on peut dire que c'est le siècle qui a vu apparaître tous les grands concepts sur lesquels la neuroscience est basée aujourd'hui. En fait, le 19e siècle, c'est carrément, on a vu apparaître toutes les grandes idées, en fait, les grands concepts qui gouvernent aujourd'hui les neurosciences d'aujourd'hui, sont apparus. Il est apparu toutes sortes de techniques très, très raffinées, comme les stimulations électriques, des lésions très, très spécifiques du cerveau pour localiser le langage, la fonction du langage, par exemple, etc. Ça vient du 19e siècle. Oui, puis dû à la technologie, aux techniques qui ont... Tout à fait. Avec l'apparition du microscope. Du microscope, l'anatomopathologie, définir les lésions très précisément. Et donc, pour finir, je voulais juste savoir, pour vous, qu'est-ce qui vous a marqué réellement dans s'il y avait une phrase que vous voudriez qu'on retienne, quel serait ce concept-là? Ah, mon concept est très simple. Moi, c'est où la science s'arrête, puis je laisse la place aux philosophes. La question fondamentale que je me suis posée à la fin du livre, c'est est-ce que le cerveau humain pourra un jour ou l'autre se comprendre lui-même? Ah oui. Au fond, c'est ça le problème. Oui. Parce que l'organe humain, c'est le cerveau de l'organe de notre connaissance. Oui. Est-ce que lui va pouvoir s'expliquer à lui-même? Oui. Mais ça, je laisse ça aux philosophes. Je vous remercie infiniment pour ces belles histoires. Et puis, je conseille à tout le monde de lire votre livre qui, je le rappelle, s'appelle « Histoire du cerveau de l'Antiquité aux neurosciences ». Et je vous souhaite à tous un joyeux Noël. Merci beaucoup Morgane, merci beaucoup André Parent, c'était vraiment très fascinant, c'est sûr qu'on en aurait pris davantage. Et maintenant, on part très rapidement en une très courte pause musicale.